Bonjour à tous, chers amis de la langue française, et bienvenue à FrenchPod. Je m'appelle Amaury. Et je m'appelle Erika, bonjour. This is an upper intermediate lesson. Où nous allons nous plonger dans ce qui est considéré en France comme le sport principal. En tout cas, c'est celui qui est le plus regardé. Et c'est quoi ? C'est le football. Dans cette leçon, on va écouter deux personnes qui regardent un match de foot ou de football. Donc on va les rejoindre et suivre le match qui a déjà commencé. Le match a déjà commencé ? Chut ! T'as manqué les 5 premières minutes ? Hé, j'étais coincé dans les bouchons ! Je te dis pas comme je suis énervé ! Notre équipe ne joue pas très bien pour l'instant. J'en étais sûr ! Notre meilleur joueur est absent ! Je t'avais dit qu'il ne serait pas rétabli à temps. Oh purée ! On a failli prendre un but. C'est vrai qu'ils n'ont pas l'air en forme, hein ? Allez, courez ! Bien, c'est bon ça, allez, oui ! Oh, faute ! Ouais, mais il y a coup franc ! Quoi ? Non, l'arbitre siffle pas. Mais il est contre nous ou quoi ? Ça mérite un carton jaune, ça. Il faut que l'entraîneur fasse quelque chose à la mi-temps. Ouais, il faut faire rentrer un, voire deux remplaçants. Attends, c'est une belle occasion qu'on a là. Si le numéro 7 arrive à passer le ballon à l'attaquant... Là, oui, c'est fait. Regarde, il a réussi à contrôler la balle. Ouais. Il n'y a plus qu'un défenseur, bien. Il l'a mis dans le vent. Parfait! Il est seul devant le gardien. Attention, il va tirer. Non! Jolie fin de frappe. Il va marquer. But! But! But! But. Alors, la première personne n'est pas très heureuse de la situation, puisqu'elle a manqué les 5 premières minutes. Et pourquoi? Parce qu'elle est restée coincée dans les bouchons. Les bouchons? C'est une autre façon à dire les embouteillages, n'est-ce pas ? Exactement. Ça l'a rendu énervé. Totalement. Il dit même à son ami, « Je ne te dis pas comme je suis énervé. » Donc c'est une expression vraiment pour montrer qu'il est agacé. Par exemple, « Je ne te dis pas comme je déteste le foot. » Alors si vous êtes une femme comme moi là, en disant « deux hommes qui regardent la télé. Vous n'êtes pas seul. Mais Amaury m'a convaincu que le foot, c'est le sport le plus important en France. Alors il faut... Il faut en parler. Son ami est assez énervé. Parce que l'équipe ne joue pas très bien en ce moment. Donc comme ce sont deux passionnés, ils sont tous les deux énervés. Et puisqu'ils sont vraiment des supporters de l'équipe française, ouais. Ils ont une raison pour expliquer pourquoi ils ne jouent pas bien. Ah, c'est le meilleur joueur qui est absent, qui n'est pas là. Et donc, il y en a un qui l'avait prévu, puisqu'il avait déjà dit à l'autre que le meilleur joueur ne serait pas rétabli à temps. Quand on est blessé, être rétabli, c'est qu'on est revenu en forme. On est redevenu en bonne santé. So, j'étais malade la semaine passée. Oui. Mais maintenant, je suis rétabli. Voilà. Habilement, le foot, c'est un sport dangereux. Eh oui, il y a des blessés, mais bon. Comme vous pouvez remarquer, j'essaie de trouver... De l'enthousiasme. Une raison de trouver quelque chose d'intéressant en foot. Il faut m'aider, Amaury, because... Je t'avais dit que ça ne serait pas si difficile. Ouais. Et quand j'ai vu cette leçon, j'ai dit... Oh, purée. Et donc, voilà, elle l'a mis dans un très bon contexte, Erika. Ok. Puisque purée, ça veut dire mince. C'est un synonyme, quand on est agacé, on peut dire purée. Alors c'est vulgaire, comment ? Non, c'est pas vulgaire. Et en fait, la purée, c'est mashed potatoes. C'est marrant. Yeah, oui, c'est mashed potatoes. Et la purée, ils ont failli prendre un but. Failli faire quelque chose. Quand j'ai vu qu'on allait faire une leçon sur le foot... J'ai failli vomir. Voilà, si tu veux bien dire, elle était sur le point, quoi. Faillir deux. Et là, l'équipe de France a failli prendre un but. Prendre un but, ça me paraît comme une expression. Tu foot, all right. Henri, tu pourrais m'expliquer ce que c'est prendre un but parce que j'attends avec impatience à comprendre ce que c'est. Voilà, je vois que votre vie à tous était sans signification jusque maintenant, mais je vais résoudre ça. Je vais vous expliquer ce que c'est prendre un but. C'est quand l'équipe adverse marque un but contre toi. Donc c'est ça, prendre un but. À son désavantage, en fait. I don't get it. C'est normal. C'est quand l'autre... C'est en anglais. It's when the other team scores a goal against your team. You can say prendre un but. And it's the opposite of scoring a goal, qui est marquer un but. In your advantage. So it's your disadvantage, prendre un but. Ok. C'est Erika's falling asleep, so let me... Oh, désolé, je n'écoutais pas. Ah oh, ouais, bon, d'accord, je comprends. Alors, ils disent les expressions des hommes qui regardent la télé. Allez, Corée, bien, c'est bon, oui. Et alors, attention, un moment, ouais. Faute. Ouais, c'est quoi? Une faute? C'est lorsqu'un joueur commet quelque chose qui n'est pas réglementaire. Et ça, c'est une faute. Quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire. A foul. Voilà. Après, il dit il y a coup franc. C'est quoi? Alors, un coup franc, donc quand il y a une faute qui est commise. Oh, ouais. Mm-hmm. Le jeu est arrêté. L'équipe contre qui a été commise la faute a droit à ce qu'on appelle un coup franc. Ok? Oh, on a bientôt fini. On y arrive, on y arrive. Ouais. En fait, ça veut simplement dire qu'elle reprend l'avantage. Ok, I get it. So, l'arbitre. C'est le referee? L'arbitre, exactement, c'est le referee. S'il ne siffle pas, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas passé un jugement de ce qui s'est passé? Exactement. Il n'a pas sifflé quoi? La faute. Donc, scandale. C'est vraiment quelque chose de terrible, tu sais, Erika, pour ceux qui regardent le football, ça. tu n'es pas obligé de répondre. Ok. Quelle horreur! Scandale, hein? C'est horrible. Mais je vois que tu commences à t'intéresser. Ok, c'était vrai. Alors, la passion se déchaîne et ils disent il est contre nous. L'action méritait un carton jaune. Qu'est-ce que c'est un carton jaune? Carton jaune, c'est un blâme. Qu'est-ce que c'est un blâme? Un blâme, ah non, ça c'est du... Alors voilà, c'est quand on a fait quelque chose de mal dans le jeu. C'est une punition. Exactement. Ok, et qu'est-ce qui se passe si on reçoit un carton jaune? Eh bien, c'est pas bien. Mais si on reçoit un deuxième carton jaune, on est exclu du terrain. Pour le reste du jeu? Pour le reste du match, ouais. Pour le reste du match? Ouais. Donc, est-ce que je peux avoir un carton jaune? Pour que je ne sois plus obligé de faire cette leçon sur le foot. Ok, je te donne... Je te donne un premier carton jaune. All right. Mais n'oublie pas, il en faut deux. Ne t'inquiète pas, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ok, c'est quoi? C'est bientôt la mi-temps. Mi-temps, c'est tout? Ouais. Ok. So, l'entraîneur, est-ce que c'est le chef de l'équipe? C'est celui qui donne la tactique. Et je disais que c'était bien pour toi parce qu'il va pouvoir faire rentrer un remplaçant. Ils disent même un remplaçant, voire deux remplaçants. Oui, alors il dit un, voire deux. Et donc ça veut dire un et peut-être même deux. Ça que ça veut dire voir. Et peut-être même. Ok, so par exemple, je peux continuer cette discussion sur le foot une, voire deux minutes de plus. Mais vraiment, c'est tout. Bon, d'accord, on avance alors. Bon, le numéro 7, il fait tout ça, il attaque. C'est fait, regarde, blablabla, il la contrôle, la balle. La balle, on dit, en football, on peut dire le ballon ou la balle. Ah bon? Ouais. C'est pareil? C'est pareil. Quand on parle de football, on peut parler de ballon ou de balle. Un défenseur. Que j'imagine défend le ballon. Voilà. Ou la balle. Ouais. Et donc, il y a l'attaquant qui est arrivé devant lui et il a mis le défenseur dans le vent. Il a mis le défenseur dans le vent? Ouais. Il l'a mis dans le vent. Ce qui veut dire qu'il a jeté dans l'air? Non. Ça veut dire qu'il a évité et il a gardé la balle, quoi. C'est seulement pour le foot, cette expression? Non. Pour les autres sports aussi, ouais. Ça veut dire que... Quoi? Ça veut dire que vous Attends, avez... Attends, je m'en fais. Ok, ça... Est-ce que je peux avoir le deuxième carton jaune maintenant? Pas encore. Ok. Et donc là, tu sens la tension? Tu sens comme c'est beau? Il est seul devant le gardien. Il va tirer. Ouais. Alors, voilà. Et puis, feinte de frappe, ce qui veut dire... Il a fait semblant de tirer, mais il n'a pas tiré. Ok. Et voilà, c'est l'apothéose maintenant parce qu'il a marqué. Tu vas me le faire comme on fait. But! Ah, enfin. But, le volet marqué. Je vois que tu es heureuse. Heureuse, oui. Sauf que je sais qu'il faut l'écouter une dernière fois. C'est vrai. On y va. Le match a déjà commencé? Chut! T'as manqué les 5 premières minutes. Hey, j'étais coincé dans les bouchons. Je te dis pas comme je suis énervé. Oh, notre équipe ne joue pas très bien pour l'instant. J'en étais sûr. Notre meilleur joueur est absent. Je t'avais dit qu'il ne serait pas rétabli à temps. Oh purée! On a failli prendre un but. C'est vrai qu'ils n'ont pas l'air en forme, hein. Allez, courez! Bien, c'est bon ça. Allez, oui! Oh, faute! Ouais, mais il y a coup franc. Quoi? Non, l'arbitre siffle pas. Mais il est contre nous, quoi. Ça mérite un carton jaune, ça. Il faut que l'entraîneur fasse quelque chose à la mi-temps. Ouais, il faut faire rentrer un, voire deux remplaçants. Attends, c'est une belle occasion qu'on a là. Si le numéro 7 arrive à passer le ballon à l'attaquant... Là, oui, c'est fait. Regarde, il a réussi à contrôler la balle. Ouais. Il n'y a plus qu'un défenseur, bien. Il l'a mis dans le vent. Parfait! Il est seul devant le gardien! Attention, il va tirer! Non! Joli! Fin de frappe! Il va marquer? But! But! But! Bon voilà, donc maintenant Erika va nous parler du football. Yeah. First, we're gonna have the subjonctive tip of the day. Yes. Okay, what's the expression that uses the subjonctive today, Omri? Il faut que. Okay, that's one of the easier ones, I think. Il faut que. Oui, parce qu'il n'y a pas de doute, c'est toujours suivi du subjonctif. That's right. Et c'est très souvent utilisé. Okay, so for example, il faut que tu saches que tu me dois un dîner pour cette leçon. D'accord, mais il faut que je parte bientôt et que j'aille réserver le restaurant. Hey, il faut que tu me laisses choisir le resto aussi. Mais promets-moi une chose, il faut que tu sois de bonne humeur au restaurant. Ok, well, comme ça, il faut que tu me dises quelques blagues. D'accord. Pour me faire rire. Ouais, mais tu sais que je suis pas très bon, donc il faut que ce soit toi qui dise les blagues. Parce que moi, j'en connais pas beaucoup. Ok. Bon, voilà. Il faut que... uses the subjonctive. Right. And that's the subjonctive tip of the day. Now, purée. It's still not over. We have to talk about soccer some more. All right, do it, Henri. Voilà, juste un petit mot. Comme je l'ai dit, c'est quand même le sport principal en France. Yeah. Les Français sont très heureux car ils ont gagné la Coupe du Monde de football il y a 10 ans. 10 years ago. Oui. OK. Qui est un grand événement en France. Tellement un grand événement que les gens parlent encore maintenant. OK. So, is there just one team, one French team? Il y a une ligue où c'est entre pays. Et après, sinon, t'as une autre ligue, un autre qui appelle un championnat français où c'est les villes qui jouent les unes contre les autres. Voilà. OK. En tout cas, si vous avez d'autres questions sur le football, n'hésitez pas à me contacter. OK. Je serai ravi de continuer cette discussion avec vous. Donc, venez nous... Not with me? You don't want to talk to me about it anymore? Allez, deuxième carton jaune. Oh. Erika, tu peux y aller. Yes. OK, merci. Salut. Au revoir.